Chapitre 5e. L'hiver s'avançait, et dans le monde on profitait de la cordialité de Waythorn à l'égard de Varric. Les maîtresses de maison, harassées de leurs efforts pour éviter des froissements perpétuels, leur étaient reconnaissantes d'aplanir ainsi une difficulté sociale, et l'on tint Mrs. Waythorn pour un modèle de tact et de bon goût. Quelques esprits caustiques ne purent résister à la plaisanterie de jeter Varric dans les bras de son ancienne femme. D'autres déclarèrent qu'ils trouvaient du sel à ces nouvelles relations. Mais la conduite de Mrs. Waythorn demeurait irréprochable. Elle n'évitait ni ne recherchait Varric, et Waythorn lui-même fut obligé de reconnaître qu'elle avait découvert la solution du problème social le plus récent. Il n'avait d'ailleurs guère songé à ce problème en l'épousant, et s'imaginait naïvement qu'une femme peut, comme un homme, rompre avec son passé. Mais il constatait à présent qu'Alice était liée au sien par des nœuds qui ne se pouvaient défaire et par les marques ineffaçables que lui avaient imprimées ses deux maris. Avec une ironie amère, Waythorn se compara à un membre de syndicat. Il avait plusieurs parts sur la personnalité de sa femme et ses prédécesseurs étaient ses associés dans l'affaire. Si la passion avait été un des facteurs de cette transaction, il ne se serait pas senti aussi amoindri. Mais le fait qu'Alice changeait de mari comme on change de domestique donnait à sa situation un cachet de médiocrité humiliante. Il aurait pu lui pardonner des fautes, des folies. Il aurait admis qu'elle résistât à Hasquet, qu'elle céda à Varric. Mais il ne comprenait pas sa passivité et son tact constant. Elle lui rappelait le jongleur qui jongle avec des lames. Seulement cette fois les lames étaient émoussées et elle savait qu'elle ne la blesserait jamais. Puis, peu à peu, l'habitude revêtit sa sensibilité d'une enveloppe protectrice. S'il achetait la paix de son ménage par la perte de ses illusions, il attachait chaque jour plus de prix à cette paix et sacrifiait ses illusions avec moins de regrets. Il avait petit à petit accepté sa situation et ne s'indignait plus de ses rapports forcés avec Hasquet et Varric, se contentant, comme d'une faible vengeance, de tourner la chose en ridicule. Il en arrivait même à se demander s'il ne valait pas mieux posséder le tiers d'une femme qui a appris par expérience à rendre son mari heureux qu'une femme entière forcément moins experte en cet art. Car il le considérait bien comme un art, fait ainsi que tous les autres de concessions, d'éliminations, d'embellissements, de lumière et d'ombre habilement ménagées. Sa femme était passée maîtresse en cet art et il savait parfaitement à quelle école elle devait son talent. Il cherchait même à remonter à la source de ses expériences et à distinguer les diverses influences qui s'étaient combinées pour créer la joie de son foyer. Il comprenait que la nature commune de Hasquet faisait apprécier à Alice la bonne éducation, tandis que le cynisme et les théories libérales de Varric sur le mariage lui avaient appris à aimer les vertus conjugales, de sorte que Waythorn se sentait redevable à ses prédécesseurs des différents avantages qui rendaient sa vie facile, sinon romanesque. À partir de ce moment, il accepta tout, complètement et sans la moindre révolte. Il cessa de se satiriser lui-même, le temps calmant l'ironie de la situation et la plaisanterie perdant son sel en même temps que son acuité. La vue du chapeau de Hasquet dans l'antichambre ne le troublait même plus, et le chapeau s'y voyait fréquemment à présent, car il avait été jugé préférable que le père de Lily vînt rendre visite à sa fille au lieu de recevoir l'enfant dans sa maison meublée. Waythorn, consulté à ce sujet, avait accepté l'arrangement et fut même surpris de n'en être pas affecté. Hasquet restait toujours d'une discrétion parfaite, et les quelques personnes qui le rencontraient dans l'escalier ignoraient même qui il était. Waythorn ne savait pas si Alice le voyait souvent, mais lui-même se trouvait rarement devant lui. Pourtant, une après-midi, il apprit en rentrant que le père de Lily l'attendait et il trouva dans la bibliothèque Hasquet, comme toujours, assis au bord d'une chaise. Waythorn lui était d'ailleurs reconnaissant de son attitude réservée. « J'espère que vous m'excuserez, monsieur Waythorn, » dit Hasquet en se levant. « Je voulais voir Mrs. Waythorn à propos de Lily, et votre domestique m'a prié de l'attendre ici. » « C'est tout naturel, » répondit Waythorn, se rappelant que la rupture d'un tuyau, le matin même, avait livré le salon aux ouvriers. Il ouvrit son étui à cigares et le tendit à Hasquet. Ce dernier prit un cigare et ce simple fait parut resserrer davantage les relations de ces deux hommes. La fin de cette journée de printemps ayant ramené un peu de fraîcheur, Waythorn invita Asket à se rapprocher du feu. Il cherchait une excuse pour se retirer et le laisser seul, mais il était fatigué, il avait froid, et après tout, le petit personnage insignifiant ne le gênait plus. Tout en fumant, les deux hommes s'étaient laissés aller à une intimité presque inconsciente, quand la porte s'ouvrit brusquement et Varric entra. Waythorn se leva. C'était la première fois que Varric pénétrait dans sa maison, et l'étonnement de le voir, joint à l'inopportunité singulière de sa venue, fit renaître la sensibilité émoussée de Waythorn. Il regarda fixement son interlocuteur sans rien dire. Varric paraissait trop préoccupé pour remarquer l'embarras du maître de maison. « Mon cher ami, s'écria-t-il d'un ton plein d'expansion, je vous fais toutes mes excuses de fondre sur vous de cette manière. Mais il était trop tard pour vous joindre à votre bureau et j'ai pensé... » Il aperçut Asket et s'arrêta en rougissant jusqu'à la racine de ses rares cheveux blonds. En un clin d'œil, il reprit ses esprits et salua légèrement. Asket rendit le salut silencieusement et Waythorn cherchait encore à retrouver l'usage de la parole lorsqu'un balai de pied entra, portant la table à thé. Cette diversion fut d'un heureux effet sur les nerfs de Waythorn. « Pourquoi diable apportez-vous cela ici ? » demanda-t-il sèchement. « Je prie monsieur de m'excuser, mais les plombiers travaillent encore dans le salon, et Mrs. Waythorn a donné ordre de préparer le thé ici. » Le ton respectueux du domestique rappela Waythorn à la raison. « Ah, très bien, » dit-il avec résignation, et le valet de pied se mit en devoir de déplier la table et d'y poser les accessoires indispensables du thé. Pendant le temps de ces préparatifs, les trois hommes restèrent debout, suivant machinalement des yeux les mouvements du domestique. Waythorn, pour rompre le silence, demanda enfin à Varric « Puis-je vous offrir un cigare ?» Waythorn chercha une allumette, mais n'en voyant pas, il alluma avec son propre cigare celui du nouveau venu. Asket, un peu en arrière, restait tranquillement à sa place, regardant de temps en temps le feu de son cigare et s'approchant quelquefois de la cheminée pour y secouer ses cendres. Enfin, le valet de pied se retira et Varric commença sans attendre davantage. « Si je pouvais vous dire deux mots de cette affaire ?»« Parfaitement, » bégaya Waythorn, « dans la salle à manger. » Mais au moment où il mettait la main sur le bouton de la porte, elle s'ouvrit, livrant passage à Mrs. Waythorn. Alice avançait, fraîche et souriante dans sa robe et son chapeau de ville, tandis que de son beau à rejeter en arrière s'échappait un parfum subtil. « Prendrons-nous le thé ici ? » demanda-t-elle. Puis elle aperçut Varric et accentua son sourire comme pour voiler par là son tressaillement de surprise. « Tiens, comment allez-vous ? » dit-elle d'un ton dégagé. Pendant qu'elle tendait la main à Varric, elle vit Asket derrière lui. Son sourire se glaça un instant, pour reparaître bien vite, accompagné d'un regard oblique lancé à Waythorn. « Comment allez-vous, monsieur Asket ? » dit-elle, en lui donnant une poignée de main sensiblement moins cordiale. Les trois hommes, fort gênés, restèrent debout devant elle. Varric, toujours le plus maître de lui, finit par se lancer dans une phrase explicative. « J'avais à voir Waythorn un instant au sujet d'une affaire, » balbutia-t-il en rougissant. Asket s'avança avec son air habituel de doux entêtement. « Je suis désolé de vous importuner. » « Mais vous m'aviez fixé vous-même le rendez-vous à 5 heures. » Et il indiquait avec résignation la pendule de la cheminée. Alice dissipa la gêne générale avec son geste charmant d'aimable maîtresse de maison. « Je suis navrée, » dit-elle. « Je suis toujours en retard, mais il fait si beau dehors. » Elle ôta ses gants, gracieuse et cherchante à se faire pardonner, répandant autour d'elle une atmosphère d'aise et de bien-être qui fit disparaître le ridicule de la situation. « Mais avant de parler affaire, » ajouta-t-elle gaiement, « je suis sûre que vous avez tous besoin d'une tasse de thé. » Elle se laissa choir dans sa chaise basse près de la table à thé, et les deux visiteurs, attirés par son sourire, s'avancèrent pour prendre de ses mains les tasses qu'elle leur offrait. Elle regarda Waythorn, qui s'approcha aussi, et prit la troisième tasse en riant. Ainsi s'achèvent les deux autres d'Edith Wharton.